Et faute, merci. Je vous écris au sujet de votre émission. Je suis âgé de 50 ans. Ah oui, je laisse tout de suite le numéro de téléphone de la station. 43 57 69 70. 43 57 69 70. 43 57 69 70. Je vous rappelle que vous passez à l'antenne. Votre message reste dans l'anonymat le plus complet. Nous n'avons pas vos coordonnées. C'est le secret le plus total. Personne ne vous voit. Personne ne vous connaît. Donc, pas de problème. Le téléphone 43 57 69 70. Si vous voulez vraiment passer à l'antenne, insistez au téléphone. Insistez, recommencez même si c'est occupé. Vous passerez à l'antenne. Et un petit peu de patience aussi. Voilà, 43 57 69 70. J'aimerais aussi qu'aujourd'hui, en plus des petits minets de 18-19 ans, on est aussi des personnes, parce que bon, il y a des gens qui nous appellent, qui nous disent, on en a marre des messages biberons et tout. On aimerait aussi qu'il y ait des personnes un peu plus âgées, 30, 35, 40, 50, voire même 60 ou 70, qui nous appellent pour nous raconter aussi leur sexualité, leur vie sexuelle. Parce qu'à 18 ans, on ne peut pas raconter sa vie sexuelle encore. On n'a pas beaucoup de choses à raconter. Donc, qu'il y ait des personnes qui se dévouent au moins pour les jeunes qui nous écoutent, pour leur donner quelques conseils, parce que des conseils de grosses salopes comme nous, bon, à la limite on les écoute, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres personnes qui puissent nous aider à donner des conseils et puis à aider tous les jeunes qui nous écoutent dans leur début de leur sexualité. Voilà. Alors excusez mon écriture, je suis âgé de 50 ans et je suis tombé sur votre fréquence. Je vous écoute tous les mardis soirs. Je voulais simplement dire qu'au sujet, le fait d'avoir une verge de 12 cm, ça n'a aucune importance, car moi-même, j'ai une verge de 12. Bandage compris, c'est pas des bandes autour, hein. Voilà. Mmh. Et je m'entends très bien avec ma femme. Ce qu'il faut, c'est d'être très amoureux, l'un et l'autre. Et nous, on se comprend très bien. Cela fait 27 ans que nous sommes mariés. Et on ne fait pas l'amour uniquement dans le lit. Cela nous est arrivé de faire l'amour dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les WC, sur le plancher, sur une chaise, debout. Vous voyez, d'en avoir une de 12 cm, ce n'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est d'être très amoureux et se comprendre, se libérer des petites contraintes qui bloquent. Ma femme et moi, nous sommes très épanouis et ni l'un ni l'autre ne cherchent à aller ailleurs. Pourquoi faire, puisque nous avons bien tout sûr l'un et l'autre. Merci de lire ma lettre, et encore, excusez mes fautes, mais c'est pas grave, mais c'est Monsieur Robert. Qui a 50 ans. Une lettre très touchante, très gentille. Alors, un fan de Pascal qui lui demande quelle est la nature et la couleur de ses dessous. Ah, quelle couleur, Pascal? Un fan, chérie. Noir. Ah, ils sont noirs, là, aujourd'hui. Non, mais ils sont noirs ou ils n'ont pas été lavés? Non. C'est pas noir, des roses qui n'ont pas été lavées. Noir. Et la culotte? Est-ce que tu fais des coordonnées? Quand tu mets noir en haut, tu mets noir toujours en bas? Toujours. Ah, c'est toujours sublime d'avoir des slips noirs, parce qu'au moins, quand tu chies dedans, on ne voit rien du tout. Non, c'est vrai. Ce que vous dites n'est pas faux. Voilà. Alors, nous avons aussi, bien entendu, reçu beaucoup, beaucoup de demandes de badges. Rassurez-vous, les badges, normalement, doivent vous arriver un ou deux jours en retard parce qu'il y a eu le week-end et tout ça. Mais sinon, j'aimerais aussi qu'il y ait des personnes qui ont eu des petites histoires, des petites anecdotes à nous raconter grâce au badge, qu'ils nous appellent, on les passe en priorité. Je voudrais aussi qu'il y ait encore des beurs qui nous appellent et des chinois aujourd'hui. Des petites chansons en chinois, des chansons cochonnes en chinois. Et des beurs aussi, tous ces gens-là, on les passera en priorité. Bien entendu, nous passerons aussi en priorité les filles, parce qu'on sait qu'elles ne veulent pas insister au téléphone, qu'elles sont très timides, mais il faut qu'elles vainquent le pas. Hein. Il faut qu'elles reviennent. Il faut qu'elles vainquent et qu'elles reviennent. Hein. Non, mais en plus, j'ai fait une infusion là. Ah, oui. Oui, mais c'est pas grave. Hein, c'est... Parce que moi, papa, nos auditeurs avaient rectifié de même. Hein. Ah bon, d'accord. Non, parce que tout à l'heure, tu parlais de misère sexuelle, mais uniquement masculine. Il y a de la misère sexuelle chez les J'ai pas parlé aussi de masculine. Si, tu disais des mecs qui aimeraient bien se faire. Bon, tu parlais de mecs. Non, des humains. Des humains, des, voilà, des êtres. Les animaux sont aussi dans une grande misère sexuelle. Ça. Ben, je vais te dire, moi, mon chien n'a pas baisé depuis 6 ans. Ah, j'ai vu des oies ce week-end qui avaient des pratiques un peu bizarres. S'il y en a une qui a une chienne barouge, qu'elle m'appelle parce que j'ai mon chien qui a envie de dégourdir et... De dégorger. Dégorger son poireau. Il aimerait bien, je sais pas, se faire gaufrer, une petite gaufrette vite fait. Moi je donne 200-300 francs. Un petit 300 pour mon chien, s'il peut envoyer la purée avant de mourir. Bah oui. Hein, c'est sa dernière occasion de jouir. Comme la Uber. Hein. Bah ouais, après, il va faire de l'arthrose et tout, il n'arrivera même pas à se mettre sur les deux pattes arrière pour essayer de la ken, alors bon. Et puis il faudra l'aider à foutre la bite dans le trou, c'est comme les taureaux et les... Oui, les pattes. Oui, je connais. Voilà, alors, salut bande d'enculés, ça on le sait. et au fion plâtré. Votre émission, c'est du bonheur. Alors, j'ai pris cette lettre parce qu'on reçoit beaucoup de lettres de Sarcelles. Tout le lycée de Sarcelles vous écoute. Malheureusement, je suis dans une certaine misère sexuelle. Alors, j'espère que vos badges vont m'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et de jouissance. Allez, je vous souffle bien dans le cul et si vous pétez, hein, restez ouvert, j'arrive. Voilà. Alors, j'en ai encore. C'est un très joli poème, ah, le quart d'heure de la poésie. Alors, c'est Ballot. Par une nuit de pleine lune, alors que tu me grattais les burnes, mon sexe entre tes dents, mes genoux sur tes reins, je m'explose avec un joint. En rampant vers la salle de bain, ton fion par mon dard défoncé, saignant comme un steak éclaté, ma langue s'agite autour de ton clito, tout rouge excité par mon pélo. Je te broute le barbu en te foutant un doigt dans le cul, tu me tapes un rassis alors que mon foutre te remplit. Mon sweat coule entre tes lèvres, Pascal, tu occupes sans cesse mes rêves. C'est dégueulasse. Oh. C'est beau. Eh bien. Alors Ballot, eh bien, c'est Ballot. Il faut que tu remercies Ballot. Je ne dirai qu'un mot. Merci. Ça me fait très plaisir. Et voilà. Alors idée. Très ému. Alors très ému. J'ai Hervé qui nous écrit de Montreuil et qui nous dit bon alors il nous remercie pour les badges et il fait je vous envoie une pub faite en vidéo, faite rapido, durée 8 secondes. Si ça vous plaît, on la fait façon pro et grâce aux auditeurs qui cotiseront, on achètera un espace sur TF1 pour Lune de Fiel. Voilà. Alors oui, je vais vous expliquer tout à l'heure, parce que nous avons trouvé une petite idée, pour vous faire participer encore plus nombreux à cette émission, nous vous demanderons de nous préparer des cassettes, soit de remix, de disques, soit d'insultes, de cochonneries, ou de jouissance en direct, de jouissance que vous pouvez simuler ou que vous pouvez carrément faire en vrai. Ou par exemple, je sais pas, faire parler vos parents là-dessus, faire des interviews dans les lycées, faire des trucs comme ça. Et les plus originales, mais vous pouvez faire n'importe quoi. Les plus originales. Originaux. Les cassettes originales. Cassettes. Ah, les cassettes les plus originales. Voilà. Les cassettes. Mmh. Hein mmh. Et alors attends, comment on dit? On dit un bal? Des quoi? Des beaux en Provence. Des beaux. Alors on dit j'ai mon carnet de beaux, un carnaval, des carnavaux. Bah oui, veaux sans hormones. Un cannibale, des cannibaux. Voilà. Et on vous sort un cannibal aussi. Oui, oui. Bon. Vu dans les goûts. Dans mais le cul, dans les goûts. Mais alors qu'est-ce que j'ai envie de me faire enculer? Bah tu dis ça. Non, mais attends, il y a deux ans que tu nous dis mais... ça et on veut. Non mais jamais. J'ai le cul à l'intérieur. Tu m'as fait tout acheter le matériel. Mais j'ai le cul qui me gratte. J'ai l'impression qu'il, je sais pas qui a. Tu demandes qu'il a faim. Non mais j'ai l'impression qu'il pleure famine. Non, j'ai le cul qui bat la chamade. Non mais c'est infernal. Qui réclame tout. Et tu crois qu'il faut que je le fasse ou pas? Ah ça c'est une question de. Bon. Alors. De conscience quand même, hein Pascal. Oui, et de confiance. Bon, et de confiance. On va en revenir tout à l'heure, et je vais vous expliquer aussi pour les cassettes, je vais vous expliquer aussi pour les badges, et je vais vous expliquer aussi pour les questions que vous pourrez nous poser sur Minitel. Voilà, ma sœur m'a parlé de vous et de votre radio. Ainsi, depuis plus d'un mois, je vous écoute tous les mardis soirs, en bossant ma philo et mes maths. J'ai parlé de vous à un copain, Laurent, et on a décidé de briser les tabous d'une société coincée. Ainsi, on a initié trois copines super coincées, Valérie, Laetitia et Navina. Cette dernière, ce matin, a crié à Valérie, c'est dégueulasse! Par ailleurs, Valérie nous raconte maintenant des histoires méga cochonnes. Style, c'est un mec qui va chez son docteur parce qu'il a des petites cacahuètes et ses nanas s'en plaignent. Alors le docteur lui dit, tout ce qu'on peut faire, c'est vous les remplacer par des pommes de terre. L'opération a lieu et un mois après, il revient voir son docteur. Et il raconte au docteur, vous voyez maintenant, les nanas me les malaxent, ils trouvent ça super excitant. Et moi aussi, je trouve que c'est bien. Parfait, parfait, dit le docteur. Et aucune douleur ne se fait sentir? Non, non, non, docteur. Mais avant l'opération, j'avais des morpions et maintenant j'ai des dorifores. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des dorifores, vous bah, faites 36-15 la rousse. Vous faites 36-15 enculés et puis. Oui. Cette émission est caduque. Voilà. Lune de Fiel est caduque. Vive les enculés. Oui, c'est trop long, trop long. Il y a deux pages là, je ne peux pas. Je n'aurai qu'un mot à l'encontre de votre émission, bravo. Je m'éclate régulièrement pendant 2 heures grâce à vos blagues crades, à votre vocabulaire d'enfer et bien sûr au docteur Ruth. Je peux vous dire que votre émission est écoutée de 7 à 77 ans. Ah, on a parlé du docteur Ruth. Oui, mais tout à l'heure, docteur. et que je fais tout pour que votre public de femmes s'élargisse. Ben moi j'aimerais bien que mon trou aussi s'élargisse. Pascal David et Zaza, vous êtes promis un grand avenir au Panthéon des stars de la bande FM. Vive vous. Oh, Panthéon. C'est sublime. On va le sucer, on va faire une cérémonie. Ah, mais il y en a qui dit que tu devrais être, tu pourrais remplacer le président de la République. Ah, oui, oui, je vais. Un jeune homme. Alors, j'ai aussi alors la rubrique Minitel qui est divine. Alors, nous avons eu beaucoup de questions Minitel. Alors, il y en a un qui écrit: je suis timide, on m'aborde parfois dans la rue et je fuis. Que dois-je faire pour combattre c'est bien que c'est... cette connerie? Moi, j'aborde les gens, c'est eux qui fuient. Voilà. Comment faire pour combattre cette connerie de timidité? Salut docteur Ruth. Alors, les questions, on y répond sur Minitel. Hein. Si vous voulez les réponses, vous n'avez qu'à y aller. Hein. C'est des exemples. Voilà, c'est des exemples de questions. L'éjaculation okay. précoce se soigne-t-elle? Ou y a-t-il quelque chose qui manque? Ah oui, il voulait la date sur les questions-réponses. On l'a mise. Hein. Salut bande d'endives. Vous aurez fini votre lait-chat? Ah oui, parce que nous avons mis sur le Minitel un jeu du lait-chat. Et je crois qu'il marche à partir de demain. Alors, c'est un quiz. Et plus les gens répondent bien aux questions, plus ils arrivent la tête sur la chatte pour la bouffer. Je m'appelle Calypso et j'ai un big problème, car je n'arrive pas à jouir. J'ai 18 ans et j'ai eu une dizaine de rapports. Aidez-moi. Voilà, on lui a répondu. Bon, et il y a plein de questions comme ça. On lui a répondu et il faut aller voir ce Minitel. Qu'est-ce qu'il y a quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Ah non, quand j'étais petit, je me lavais pas la bite et je la décalotais pas. Du coup, maintenant, j'ai le gland rouge et hyper douloureux. Ah. Je peux pas le toucher, ça me fait mal, voilà. Alors donc, on lui a répondu aussi. Est-il normal que mon sperme soit vert? C'est normal, tu bouffes des haricots verts et de la laitue. Je désirais connaître l'origine des expressions. Vous faites un joli métier. Je t'aime, tu m'aimes, nous aimons, mangeons du jambon. Ça, on va vous l'expliquer tout à l'heure. Mmh. Je trouve difficilement le clito de ma copine. C'est peut-être un trave, chérie. Bah non, là, il trouverait facilement, justement. Ah, bon, il trouve le trou, c'est des... Peut-être te téléphone à rappeler tout de suite. 43 57 69 70. Tu peux voir les messages perso, ma Pascal? Oui. 43 57 69 70, tout de suite, hein. T'arrives pas à les lire? Bah si, oh. Vas-y. Je... Ah oui, ouais. C'est pour moi. Non, je le lis pas. C'est trop horrible. C'est Pascal, écoute ça. Je te lèche tellement bien la chatte que tu vas atteindre le 69e ciel et que tu ramperas sur le mur du son comme une bête assoiffée de baisse et que t'en auras une overdose. Eh bah, dis donc avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message personnel? J'ai des boutons sur le pélo, ah oui, ça. Ah tiens, qu'est-ce qui... Un invité porte un badge, une de fiel. Ah oui, il y a l'émission de Chavannes aujourd'hui, mais vous partez pas, hein, vous restez là. Oui, sur les sadomaso. Oui, sur les sadomaso, il y en a un qui porte un badge, l'une de fiel. En direct sur la une. Il y a un charmant message d'une protestante pratiquante qui dit qu'elle est extrêmement choquée de la vision du sexe que nous donnons à la jeunesse. Bah, si elle se faisait un peu plus bouffer la chatte, ça lui ferait du bien. Bah oui, il me semble qu'elle a qu'à pas écouter, personne ne la force. Oui, et en plus elle nous écrit. Et elle rentre sur TBM. Et là, salut les petits vicieux et vicieuses, ici le Lillois qui vous écrit. Et oui, sachez que des cassettes pirates circulent. Et on se régale à vous entendre. Ah oui, tu sais qu'il y a des radios le midi, dans le centre de la France, qui enregistrent l'émission. Bah les droits d'auteur. Et qui passe l'émission, on nous a dit. Mais vous passez sur une radio à Perpignan. Ah. Alors ils passent ça le samedi et tout. Là, alors ils nous ont chourave les cassettes. Ouais. Et puis on est comme des connes, on touche pas une tuile. Bon, j'espère vraiment des connes. Hein. Bah, j'espère qu'ils passent les cassettes avec les ventes de badges. Qu'on puisse rattraper au moins quelque chose. Il y a un truc aussi, c'est Shark, ils disent qu'ils vont... Ah oui, ça va. Salut ma poule, mardi dernier j'ai écouté ton remix, excuse-moi mais les mecs sont plutôt des endives, nous sommes trois DJ et nous t'avons préparé un petit truc bien sympa, la bande musicale est presque finie. Ça risque d'être très bien. Oui, alors, bon, on peut pas vous en lire plus parce que le courrier, les messages et tout, si vous voulez vraiment lire toutes les questions, toutes les réponses, si vous voulez lire, si vous voulez jouer au sus-chat, si vous voulez jouer au jeu des insultes, si vous avez un truc formidable, c'est le Minitel de Lune de Fiel. Vous faites 3615 TBM, et vous rentrez sur le poste Lune de Fiel. Vous verrez, après, il y a marqué Lune de Fiel qui clignote. Vous tapez, je crois que c'est le choix numéro 10. Et puis après, vous rentrez sur le service Lune de Fiel. Là, vous pouvez poser vos questions, lire les questions et les réponses des autres. Nous nous envoyer des suggestions sur l'émission, ouais. des idées, nous envoyer des messages personnels que nous recevons personnellement. Et je vous rappelle que les questions, nous y répondons dans les 24 heures. Et c'est nous, personnellement, ma petite Pascale, tu as fait ça ce week-end. Oui, c'était très sympa. Moi, j'en ai répondu aussi, et Zaza aussi, vous y répondez. Ah, je réponds tous les jours. Voilà. Oui. Alors, maintenant, nous allons en passer à un auditeur. Secret. Attends, j'ai envie d'éternuer. Vas-y. À tes souhaits. Oh là là là là là, épouvantable. Voilà, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Ça va, t'as pas trop fait attendre? Non, ça va, non mais de toute façon, on a de quoi s'occuper avec vous. Bah oui, c'est gros, c'est pas assez. C'est parfumé les tampons en plus. Non, alors, non, non, ouais. non, non, il y a des tampons. C'est comme si qu'on te demande, est-ce que tu veux bouffer une seule frite ou une bonne pomme de terre en robe des champs? Ouais, ouais. Non, et bon, je peux te dire qu'au niveau de la culture, au niveau des verres, ça colle, hein, ça... Ça vient à maturité, ça c'est fait des petits, on veut-tu, on la voilà. La chatte pleine de serpents. J'ai déjà eu, puis en plus, tu sais, dans le coton, ils adorent ça, que pour eux, c'est un vrai petit midouillet. Et après, est-ce que bah tu alors... foutrais ta gueule dans le petit chat? Dans le petit chat, ouais, à la limite, avec les pourquoi asticots. Pas. Avec ouais. les asticots, hein. Ouais, mais j'adore bouffer les chats. Ça fait une vieille bolognaise. Ça te, oui. ça te fait une chatte avec de la viande. Une ça chatte peut, qui à mon avis, seule. Une bonne salade. Tu la poses en terre, avec des poils, si la nana est bien poilue, ça te fait une bonne petite frisée au lardon. Elle se met à plat ventre sans toucher par terre et rampe. Non, mais imagine, c'est le fantasme. Ça a l'impression d'avoir des petites bestioles dans les poils de la chatte. C'est moi, c'est un truc qui m'exciterait énormément. Ouais, mais t'as pas peur qu'il y ait des problèmes quand même énormes d'hygiène, parce que t'imagines un asticot. Non, Pascal, excuse-moi, tu vas quand même pas me dire qu'une chatte c'est propre quand même. écoute, je suis désolé. Entre tout ce que vous recevez dedans, hein, le sperme qui m'insère, je te signale quand même que dire que 2-3 petits asticots, ça va faire du mal quand même. Il y a une chose qui s'appelle les douches, tu vois. Et éventuellement les baignoires aussi. Et tu sais que depuis quelques temps, on est autorisé à s'en servir aussi. Ouais, mais... Depuis pas longtemps, mais on a le droit quand même. Donc on y va. Tu sais, Jimmy, c'est pour ça que le pet chat existe. C'est pour faire gicler lorsqu'il y a vraiment profondément du décharge publique. Décharge à l'intérieur. Si vraiment il y a pilonnage gras dans le fond du chat. Est-ce que tu as aménagé un sani broyeur dans ta chatte? Qui me plairait bien. Une chatte aménagée? La semaine dernière, justement, je t'ai goûté et puis j'entendais là les nanas qui se torchent mal, qui se torchent à l'envers. Hein, que je me suis dit en plus, bon, ça serait sympa parce que si la nana se torche à l'envers, ça donnerait à bouffer au verre. Je suis sûr qu'elle pourrait... ça ferait de l'engrais, en somme. Elle pourrait nous, nous faire un véritable élevage. Ça pourrait être sympathique, toi. Oui, c'est un message de Villemorin Andrieux. Un appel très touchant. Voilà. Écologique. Hein. Alors bon, avis aux amateurs. Si Pascal ou Zaza sont tentés, moi je suis prêt à me déplacer, à récupérer les serviettes hygiéniques. Avis aux amateurs. Je dis bien spongieuses et bien humides. Et je suis prêt à leur redonner au bout de 15 jours. Ma Pascal connaît d'ailleurs la date de macération, apparemment, puisqu'elle m'a dit qu'il fallait pas 3 semaines. Non, non, ça va beaucoup. Elle fait ça beaucoup, elle. Non, non, mais j'avais un ami qui faisait des expériences de ce genre. Ouais. Il avait tapissé sa cuisine d'escalopes d'Inde. Et il prenait des photos tous les jours pour voir la macération. Ça faisait une œuvre d'art, tu vois, genre happening, tout ça. Sublime, au bout de 15 jours, magnifique. On pouvait plus rentrer dans la cuisine, mais enfin, c'était très beau. Il suffit de. Au bout d'une semaine, en pleine chaleur, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu prennes des filles qui ne prennent pas la pilule, comme ça elles ont des règles beaucoup plus abondantes. Oui, justement, j'allais le signaler aussi. Des nanas qui ne prennent pas la pilule parce que les flux sont beaucoup plus importants. Voilà, exactement. Et les reflux, il n'y a pas? Écoute, je ne suis pas trop branché. Moi, il n'y a pas des marées d'équinoxe? Récupérer les serviettes, ok. Te parler des chattes. Il n'y a que la chatte, donc matrice, qui t'intéresse. Le reste, tu te... Il y a des critères d'âge, des critères de blondeur, de... Du moment qu'on du moment qu'il y a une chatte qui s'aime. Pas trop vieille, parce que après, les règles, tous les détritus de la ménopause qui viennent après, et en plus, ça risquerait de tuer les vers, tu vois. Jusqu'après, pas une jeune vierge, mais une fille qui n'a pas eu trop d'expérience, qui soit pas trop défoncé. Ce que tu dis n'est pas faux. Mais moi je vais dire, si j'étais une fille et je te fais ça, moi je te demande de chier dans un papier d'aluminium, je le fous au four à micro-ondes. Attends, là bien pour préparer, pour faire un bon gâteau. Et après je te le beurre le fion avec, et je te fais marcher en même temps à quatre pattes dans l'appartement. Et puis moi, si tu veux, je le fais si j'étais une meuf. Et puis moi, ouais, je te refais la même chose en ton trou. À chacun ses fantasmes. Ah bah oui, mais il faut faire des sacrifices aussi. Et tu sais qu'il faut que tu fasses attention quand même. Ah bah fais des sacrifices. Non mais je veux dire par là, bon, tu vois, j'expose un fantasme maintenant, je force pas les nanas qui seront contentes. Oui, beaucoup. Il faut que tu fasses attention que ce soit quand même ta culture se fasse en milieu humide, parce que sinon le sang va sécher et tu vas Ta culture se fasse en milieu humide. Quand même vachement bien renseigné au niveau de la culture. C'est une enculée. Et le steak éclaté, elle connaît. De son steak éclaté. Bon, on te laisse mon petit chat, s'il y a des meufs qui nous appellent. Appelle son prénom pour bien que. Alors c'est Jimmy. C'est Jimmy. Voilà, bah écoutez, je compte sur vous, puis à bientôt, et puis amusez-vous bien, bande d'enculés. Au revoir, mon ange. Allez, salut. Salut, alors c'était Jimmy au 43 57 69 70. Dis donc, il se régale avec ton steak éclaté, Pascal, hein. Non? Ton tartare pour un gain. Je t'ai déjà dit de ne pas dire steak éclaté, ça me choque énormément. C'est un steak éclaté, mais pas éclaté au pétard, au pétard, pas style t'as pris un coup de fusil à pompe dans le chat. C'est découpé gentiment avec une lame de rasoir. Proprement. Non. Ben c'est comment? Je dirais non. Bon. Et puis d'abord, tu l'as jamais vu, alors comment tu peux savoir? Oh, ça. Ah, alors ça. Ça, mon ange. Je souviens d'un petit retour. Oui, ça, non. Non. Non. Vous ne pouvez pas répéter ça en me regardant dans les yeux. Si, absolument. Bon, vous êtes une reculée. Oui, ben ça va. T'es bien content que je te bectais la semaine dernière, hein? Hein? Et là, Eric est à côté de moi. Tu ne restais pas sans rien faire, il me semble, effectivement. Ah ben, il y a des parties fines. Oh, ça. Comme les épiceries. Pour ma bonne personne. Oh, oui. Ce petit chat au-dessus de la tête avec une lampe électrique. Oh. Oui, écrase bien ton chat sur ma gueule. Ça, c'est... je vais vous dire un truc, les mecs. Il y a un truc qui est vraiment délicieux. Vous vous mettez... Ah, faut toujours avoir une lampe électrique sur soi. Voilà. Vous vous mettez sur le dos. Parce que les bougies, mais ça risque quand même. Oui, de... Ça fait partie de la dégradation. 14 juillet, évoqué plus haut. Alors, vous vous allongez sur le dos et vous demandez que la fille s'assoie. Mais vous la voyez de dos. Donc la fille s'assoit comme si elle s'assoyait sur un tabouret sur votre visage. Le chat bien collé sur le visage et qu'elle appuie comme ça. Et quel bonheur d'avoir un masque comme ça, comme un masque à oxygène. Et puis... Plus vous la travaillez, plus elle vous laissera d'air pour respirer. Moins vous la travaillerez, plus elle appuiera. Et là, vous allez apprendre à bouffer une chatte. Parce qu'il y en a qui ne savent pas bouffer des chattes. Rénovation de la gueule, mieux qu'un masque Chanel. C'est ça, direct, tu ressens, t'as... Vous avez la gueule un peu collante, mais bon, c'est pas mauvais. Nous avons un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Allô? Bonjour. Bonsoir. Oh, jolie voix. Oui. Jolie voix. Très masculine, en effet. Belle voix. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Et tu t'appelles? Nuit. Enfin, c'est comme ça que quelqu'un m'appelle, quoi. Nuit. Oui. Pourquoi Nuit? Pourquoi Nuit? Je sais pas. Parce que c'est pas Nantes. Pardon? Parce que c'est pas Nantes. J'entends très mal, hein. Eh ben, ça... Voilà. C'est pas grave. Ça va beaucoup mieux. Oui. Ah ben, voilà. Alors? Alors, voilà. Bon, alors, avant de vous raconter mon petit fantasme qui est quand même... Pas trop bizarre, faut avouer. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi l'exploit de chier sans pisser. Ah, tu l'as fait. Eh oui, je l'ai fait. Est-ce que t'as eu du mal? Au début, oui. Il faut une grande concentration, hein. Je vous explique le tout. Vas-y. Déjà, j'étais dans un collège, enfin dans mon lycée, quoi. Oui. Et dans mon lycée, il y avait des chiottes à la turque. Oui. Ça, c'est vraiment chiant pour chier, quoi. Ah, ça, c'est le cas de le dire. Et enfin, bref, pour chier, au début, j'en foutais plein partout. Je chiais, puis je pissais, j'en foutais plein partout dans mon froc. C'était dégueulasse. Donc j'ai appris à me concentrer pour retenir mon pipi et chier une grosse merde sans me dégueulasser. Et après je vais t'expliquer comment chier. Et alors, après 5 minutes plus tard, bon bah j'allais aux toilettes pour pisser, mais dans les pissotières. Voilà, donc à force d'entraînement, j'ai réussi à chier sans pisser. Mais est-ce que tu peux dire comment? Est-ce que je peux dire comment? Eh ben, en me concentrant, en fermant les yeux, en fermant les yeux très fort, en serrant les dents. Et après, ça venait tout seul, hein. Ah, d'accord. Bon. Parce que ceux qui veulent faire le jeu, chier sans pisser, il faut pas pisser 5 minutes avant, hein. Au contraire. Ah non, je pisse 5 minutes après, moi. Non, ah, voilà, non, mais il faut pas pisser 5 minutes avant et après vous allez chier. Non, je pisse 5 minutes après. Non, mais moi, c'était utile, hein, c'était pas un jeu. Bien sûr. Non, mais c'est pas vrai, en plus, c'est plus dur quand tu as pissé avant. Parce que Ah non. Si, Mais toi, t'as une chatte, chérie. Ah bon? Toi, t'as une chatte et puis... Non, c'est vrai, hein, parce qu'il reste toujours un peu. Oui, non, mais quand t'as vraiment envie de pisser... un reliquat. Ça tombe en même temps que quand t'as envie de chier. Eh ben, essaye. J'ai essayé. C'est et alors facile. Je trouve ça plus facile parce que t'as moins... t'arrives à te retenir de pisser. Oui, parce que t'as moins de mal à te concentrer, parce que tu le sens mieux. Attends, Hubert, je suis au téléphone. Parce que sinon... C'est tes parents, non? Ouais, mais... C'est tes parents? Oh là là, il va se engueuler, le garçon. Non, non, c'est pas grave. Ah bon. Alors... Non, mais attendez, quitte pas, je vais changer de téléphone. Oui. Ah bah, ok oui. J'en ai pas pour longtemps. Ouais, bah, ouais. Non, mais il y a un truc qui est épouvantable, c'est les chiottes à la ture pour les filles. Ah. Ça, je vous ai expliqué. Il y a beaucoup de gens... Beaucoup de filles qui se plaignent des chiottes à la ture parce que... beaucoup, mais enfin... Oui, mais une fille, quand elle baisse son ben, tu baisses sur les genoux et tu te baisses. Et la chatte... Fait pomme d'arrosoir. Fait pomme d'arrosoir et ça t'arrose la culotte. Allô? Et tout. Et les pieds. Alors, le seul truc qu'il faut faire pour les filles, c'est ne pas enlever la culotte et dégager... Non. Le tissu de la chatte. Ouais. Ou alors quand vous êtes afin en jupe. Afin de cibler le. Quand vous êtes en jupe, vous enlevez carrément la culotte, mais vraiment enlevez, hein, la sortie. Attends, on explique comment pisser pour les filles. Ah, dans... okay. Enfin, moi je suis dans le Guinness des records, donc ça va. Mais parce que sinon, j'ai réussi un exploit. Vous dégagez la chatte, vous levez la jupe et vous pouvez essayer de pisser debout. Ou si vous êtes assis, il faut bien dégager le chat. Quand tu pisses entre deux voitures, tu es obligé de faire comme ça, Pascal. J'enlève carrément tout. Tu enlèves carrément la culotte. La culotte, le pantalon, tout ce qui va avec. Ah bah, voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Tu sais, place de la Concorde à 18h quand même. Bien les jambes. C'est très rapide, on a pour une place tourne. De la Bastille à 17h. C'est pas grave, tant pis pour ça ceux qui regardent. Bon. Pas grave. Joli petit spectacle de rue. Oui. Alors. Enfin, là, je vous explique que c'était mon grand-père parce que c'est la communion de mon petit frère et il est venu dormir dans mon appartement. Il est venu dormir dans mon appartement parce qu'il n'y a pas assez de place chez mes parents. Mais t'aurais dû le laisser écouter. Oh, quand même, le bon Dieu. Si. Ça lui fait du bien. Bon, voilà. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire, là? Oui. Alors, c'est un PD qui a très mal à la gorge. Oui. Il va chez son médecin, et le médecin lui dit, bon, bah, faites-moi voir votre gorge. Et le mec, il se fout à poil, carrément. Oui. Le docteur, un petit peu effrayé, mais qui regarde quand même sa gorge et qui dit, ah oui, en effet, vous avez une tache de lumière au fond de la gorge. Et le mec, il dit, ah, attendez, je remets mon slip. Non, ou je vais m'asseoir. Ah, enfin, moi, je la connais comme ça. Ouais, moi, je la connais avec... Ah bah, attendez, docteur, je vais m'asseoir. Ouais. Mais elle est très bonne. Elle est bonne. C'est qu'il avait un tout à l'égout. Pardon? Il avait un tout à l'égout, direct. Voilà. Bouche, trou du cul. Voilà. Il a dû bien se faire mettre. Ces deux PD qui se rencontrent, il y en a un qui dit, mais dis-moi, ça va, toi? Oh, oui, ça va, mes amours. J'ai même plus le temps de péter. Bah, ouais. Voilà. Ouais, et tu veux qu'on te fasse rencontrer une camarade? Une très grande finesse. J'ai un fantasme. Oui. J'ai déjà proposé à plusieurs Pascal. Filles. Pascal. Je l'ai déjà proposé à plusieurs filles. Oui. Et elles ont accepté. Mais elles n'ont pas accepté. Oh, et comme je respecte vachement les filles. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Non, c'est bien. Sérieusement, je les respecte vachement. Bien, je n'insiste pas. Bravo. Ah. Et pourtant, c'est vraiment pas méchant. Hein. C'est même pas la peine d'être une salope pour faire ça. Ah, parce qu'il y a des trucs, c'est la vie, il faut être une salope pour le faire. Ah ouais, quand même. Sous-entendu, oui. Bon, enfin bref. Donc, je me suis dit, bon, je vais acheter vos badges, même si j'ai pas besoin de ça, vont me faire des gonzesses. Je me suis dit, j'ai bien une salope qui va trouver, que je vais trouver pour faire ça. Et vos badges, j'attends toujours. Hein. Tu les as pas reçus encore? Non. Bon, c'est pas grave. Tu les as reçus, ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines. Mais t'as bien mis ton nom, ton adresse? Parce que je vais te dire, on a un tas. Non, mais moi j'ai bien mis mon nom, mon adresse. Mais c'est pas grave. Eh ben, tu vas les recevoir si tu appelles. Ouais, non, mais je m'en fous rien. Non, mais ça arrive, hein, qu'il y ait. Ouais, ouais, non, mais j'ai un copain qui est en retard aussi, donc je m'inquiète pas. Ah, bon, bah alors ça va. Ouais. Et alors, c'est quoi ton fantasme? Parce qu'en haleine, là. Hein. C'est très simple. Donc, moi je déteste les poils chez les femmes. Oui. Donc, c'est raser complètement la femme, la chatte et tout. Ouais. Et de la barbouiller rouge à lèvres, surtout autour des lèvres. Et après, de me régaler. Ah bah oui. Ah, et le bout des seins, un peu de rouge aussi. Vous voyez pas que c'est simple, c'est japonais, oui. Ça. Bah je sais pas. Si, c'est japonais. Bah oui, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait des chinois et tout, des trucs là, en parlant l'asiatique, japonais. Ouais. Pour le vocabulaire et tout ça, ce serait bien en chinois, en japonais ou en je sais pas. En vietnamien, thaïlandais. Thaïlandais, voilà. J'aimerais savoir ce que tu en penses, Pascal. Bah ça me semble tout à fait. Je te dis, c'est une pratique, une coutume fréquente au Japon. Ouais, mais c'est on pas méchant. On maquille le bout des seins. Non, ah bah pas du tout. Mais bah, ce qu'il y a, c'est que je vais t'expliquer un truc. Si les nanas refusent aussi, c'est parce que la repousse, c'est une horreur. Ah. Quand on trace, quand ça repousse, mais il y a de quoi vraiment. Ah, mais moi je déteste les poils. Hein. Ça... Ah bon, oui, donc, mais il faut assurer un rasage régulier pour pas qu'il y ait de problème de repousse, justement. Ah ouais. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu restes avec la fille, parce que le jour où t'es plus avec elle et que ça repousse, là, je pense que. Un vieux hérisson. Ouais, je m'en fous. Hein. Bah, une fois que tu l'as largué, tu t'en fous, mais elle, je pense que les filles savent que la repousse. Non, une brosse à feu. C'est horrible. Quel enculé, cette Pascale. Non, mais c'est vrai, tu mets ton slip et t'as les poils, quand ils repoussent, ça passe à travers, parce qu'ils sont mal repoussés, tu sais. C'est horrible. Ce que tu dis n'est pas faux. Et ça gratte, ça pique, c'est horrible, horrible. Non, c'est vrai. Il faut raser quotidiennement. Une fois que tu commences, après, tu peux plus t'arrêter. Ah oui. Les stripteaseuses, elles faisaient ça. Ouais. Oui, mais elles recommencent souvent et elles sont épilées. Oui, quand tu te fais bouffer la chatte au bout de 4-5 jours, le mec, c'est de la toilemerie qui se passe à la tranche. Ah, là, il faut arrêter pendant un mois, là. Chômage technique. Ah ouais, vraiment. Tu peux plus faire une thune. Ah non, là. Ou là, il faut donner dans le côté taille, justement. Bon, Nuit. Dans l'épilation. Je voudrais poser une question au sexologue Zaza. Oui. Donc comme vous savez, j'accueille beaucoup des filles, et j'aimerais savoir si c'est possible de pisser dans une chatte pendant qu'on baise. Là, j'ai toujours pensé, mais jamais quand je baise. Ben, logiquement, l'érection empêche la sortie d'urine, alors c'est difficile. Faut que tu bandes mou à ce moment-là. Faut que tu débandes. Il est évident que quand on bande, tu n'arrives pas. Est-ce que tu as déjà pissé en bandant? Jamais. Non. Alors quand c'est tu kennes, quand tu kennes beaucoup avant, mais pas pendant. Ah bah voilà, c'est ça. Et puis quand t'es en train de baiser, tu penses plutôt à envoyer la purée qu'à envoyer l'urine. Non, mais quand même un mélange des deux, ça doit faire quelque chose. Je me suis dit si un jour il y a un jet blanc et un jet jaune qui c'est sort. Absolument pas possible. C'est dommage. Voilà, faut rester après, parce que souvent les mecs pissent après avoir joui. Il faut rester à l'intérieur. Il faut s'attendre à rester à l'intérieur et là, à ce moment-là, dans le réceptacle d'amour. Mais ça, de toute façon, il faut envoyer la purée. Et après. Alors là, il faut plus une capote après, avec réserve, pas réservoir, mais avec château d'eau. Tu demandes à la pharmacie. Ouais, mais moi, j'aime pas les capotes avec château d'eau. Je ne suis pas avec les capotes. Avec réservoir. Ah oui, mais tu sais, en ce moment, il faut quand même mieux faire attention. Oui. Ouais, ça, on le dit pour tous les auditeurs. Le problème, si tu veux, c'est que tu peux pisser quand tu débordes, mais quand tu débordes, en général, ça sort, donc ça pose un problème. Et oui. C'est pas possible en même temps. Tu la regarderas cassette éjecte un peu, des oui. petits schémas de manuels de sciences naturelles et tu verras que c'est le même canal, c'est pas possible. Ah bon. Voilà, désolé. Bon, très bien. Dis-moi, David. Oui. J'ai lu sur un journal qui s'appelle Le Choc du Mois. Oui. Alors, c'est vraiment le truc de ringard. Oui. Tu es des fachos là-dedans. Et j'ai vu ça chez un copain qui est facho d'ailleurs. Ouais. Et alors j'ai vu ta photo, tu racontes toute ta vie. On m'a posé des questions. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est David chez les fachos. Alors je vois. Des gens viennent me parler, ils veulent des interviews. Bah, je réponds, il n'y a pas de raison que. T'es vachement connu, hein. Oui, bah c'est normal. T'es vachement connu. Tu vois que t'as une belle boucle d'oreille aussi dans la photo. Hachement. Ah oui, ça. Non, mais il y en a qui disent, mais pourquoi t'as fait une interview pour... le mois prochain, j'ai fait une interview. Pour Globe. Non, pour Globe, c'est-à-dire, c'est totalement le journal concurrent au Choc du Mois. Ah ouais, ok. Voilà. Mais il n'y a pas de raison. Il faut informer tout le monde. Of course. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes idées que... Bien sûr, j'ai compris ça comme tout à fait. Ça. Et je vois que t'as des super journaux de PD aussi. Il y a des journaux de PD, oui, aussi. Oui. Et on donne des interviews aussi. Okay. Pour, non, c'est très bien, c'est très bien. Et ça te plaît? Beaucoup. Bon. Non, mais c'est comme ça, j'ai appris dans ta vie. Donc, je t'aime, tu m'aimes, nous aimons, Jean-Dujambon. Exactement. Bon, tu sais, je vais te passer au standardiste qui va prendre tes coordonnées, qu'on voit pour les badges s'il n'y a pas eu un problème. Parce que je n'aime pas les clients qui ne sont pas satisfaits. Merci beaucoup. Voilà. Je vais te passer au service clientèle. Mais tu sais, oui, il y a aussi un problème pour les badges. C'est que nous les envoyons en lettres simples. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais non, il faut absolument, tu les as commandés, c'est normal que tu les reçoives. Ouais, mais j'ai pas besoin de ça pour me faire des femmes. Mais non, mais pourquoi tu te justifies? Ah bon? Bah, si tu les as commandés, c'est que ça te faisait plaisir. Bah ouais, pour me trouver une salope. Bah voilà. Alors, c'est pas la peine de... C'est pas... Les badges, ce ne sont pas pour les malheureux qui sont dans une misère sexuelle. C'est fait pour communiquer un peu plus que ce qu'on communique sans badge. Ah, j'avais mal compris alors. Voilà. C'est comme ça que tu l'avais pas incinéré. Voilà. Merci, bon, je te passe au standard. Ils vont prendre tes coordonnées. C'est très sympa. Et voilà. Et bonne donc, soirée. Voilà. Alors, je vais vous expliquer aussi pour les badges. Les badges ne sont pas envoyés en recommandé parce que si on vous les envoyait en recommandé, ça vous coûterait 30 francs de plus. Alors, les badges sont envoyés en lettres simples. Donc, lorsque vous nous commandez les badges, vérifiez 2, 3, 4 jours après votre envoi que les badges sont dans votre boîte aux lettres, que ça ne dépasse pas. Parce que si ça dépasse comme ça a l'air de petits paquets, c'est facile pour quelqu'un de les voler. Comme c'est pas des enveloppes normales, elles sont un peu plus grandes que d'habitude, il faut absolument vérifier votre boîte tous les jours. Comme ça, ça vous évite de vous les faire piquer dans la boîte aux lettres. Voilà. Alors comment on les obtient les badges ? Alors, pour les badges, les trois badges, c'est 50 francs. Vous avez trois badges différents. Bien entendu, il faut respecter des règles. Les règles sont les suivantes. En offrir un à une fille, ou dans le cas échéant, si vous n'avez pas de copine ou vous ne connaissez pas de femme, vous essayez d'en trouver une. Et si vraiment, vraiment, vous ne trouvez pas, eh bien, vous offrez ça à un copain. Ensuite, il faut bien entendu respecter les gens qui vous font des clins d'œil, des petits bonjours, des trucs, ou qui viennent discuter avec vous. Des baisers dans le cou. Voilà, des baisers dans le cou, des menaces de viol, des je te veux, je te veux. Des numéros de téléphone, des sourires entendus. Pas toujours. Et donc, les trois badges, 50 francs. Vous envoyez ça par courrier, vous les recevrez dans les 48 heures. Ah, alors... Vous mettez maintenant, vous mettez plus Lune de Fiel, vous mettez David Girard, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Comme ça, ça nous évite, ça arrive directement sur mon bureau, il n'y a pas de problème, c'est directement moi qui ouvre les enveloppes. Comme ça, il n'y a pas de merde. Alors, David Girard, 21 rue de la Chapelle. Comme le chanteur. Voilà. Comme le chanteur. C'est ça. Et vous avez entendu son disque ? Oui. Il y a un remix là. Excellent. Ah oui. Ah, il est bien hein, ce petit. Collé au plafond quand je l'ai entendu. Il est très très beau. On m'a dit. Super. Et il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Oui. Son carnet de balles est complet. Un plafonnier. Un fan club est en train de se monter d'ailleurs. Alors, vous envoyez ça, David Girard, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Alors, vous envoyez un chèque à l'ordre de David Girard, ou si vous n'avez pas de chèque, vous êtes interdit de chéquier, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Ou si vous n'avez pas l'âge encore pour avoir un chéquier, vous mettez un petit billet de 50 francs, pas de pièces, bien entendu. Un petit 50. Et si vous voulez, si vous voulez en offrir à des copains, ben vous commandez plusieurs lots parce que ça fait très plaisir d'offrir des badges. Et ça, c'est des très très jolis cadeaux, n'est-ce pas, Pascal ? Très bonne idée de cadeau d'anniversaire. Voilà. Tu mets des badges, Pascal ? Je t'ai vu avec des badges ce week-end. Oui, hein. En boucle d'oreille. J'en mets, mais j'ai... Hein? Aujourd'hui, on est venu m'aborder. Et tu l'as donné ? Dans la cafétéria d'une université parisienne. Non, on est venu me dire. Oui, je connais. J'écoute. J'écouille. Bon, alors je vous rappelle, les trois badges, 50 francs par chèque à l'ordre de David Girard ou 50 francs en billets. N'oubliez pas votre nom et votre adresse parce qu'il y a encore des enculés qui ne comprennent rien, qui balancent 50 balles dans l'enveloppe et il n'y a rien dedans. Alors on l'envoie à la Banque de France. À la Croix-Rouge, par exemple. Alors, vous adressez ça, David Girard, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris, et vous recevrez les badges dans les 48 heures. Voilà, ça c'est fait. Deuxième chose, à partir de la semaine prochaine, nous passerons des cassettes que vous allez nous envoyer. Sur ces cassettes, vous mettrez le contenu que vous désirez. Minimum 1 minute, maximum 3 minutes. Il ne faut pas que ça dépasse 3 minutes. On ne pourra pas passer, parce que sinon, on ne pourra passer qu'une ou deux cassettes dans la soirée. Et ce serait bien qu'on en passe 5, 6, 10 cassettes. Les meilleures seront sélectionnées. Vous les adressez, pareil, à la même adresse. David Girard, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Vous nous adressez des cassettes, 1 minute minimum, 3 minutes maximum, avec soit des insultes, soit des remixes de disques avec d'autres paroles. Mais il faut des cassettes de qualité, il ne faut pas qu'on vous entende avec un souffle épouvantable parce qu'à la radio, on ne pourra pas les passer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Des cris de jouissance, des confessions, des filles qui voudraient faire jouir des mecs ou des mecs qui voudraient faire jouir des filles à l'antenne, des messages pour les prisonniers, des gitans qui nous parleraient gitans pour tous ces... ou des mecs qui nous parlent en arabe pendant une minute ou en deux minutes sur la cassette, en chinois, en japonais, en swahili, en yougoslave, en polonais, des trucs. Et les meilleurs, et les meilleurs seront passés à l'antenne à partir de la semaine prochaine. Alors faites très très vite. Ensuite, nous avions des mecs là qui nous ont écrit sur le Minitel, c'est Sharp. Shark. Alors j'attends ton remix, voir là si c'est vraiment à la hauteur de ce que tu nous as raconté. Alors ils sont trois DJ et ils veulent faire un super remix. Nous passerons tout à l'heure le remix qu'on a passé la semaine dernière parce que c'est quand même divin. Ah ouais, c'était ah bon. Du bonheur. En ce qui concerne le Minitel, vous savez qu'il y a un Minitel maintenant, Lune de Fiel, pour poser des questions sur lesquelles nous allons vous répondre personnellement, sur les messages personnels que vous voulez nous envoyer, sur les suggestions de l'émission que vous voulez nous faire passer. ou le jeu, voilà, les critiques, faut le, dire aussi, hein, le jeu du lèche-chatte, il y a plein de choses. C'est 3615 TBM, il y a un jeu des insultes aussi, et vous faites le choix sur le menu lune de fiel, c'est le choix qui clignote, comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper. Alors donc 3615 TBM, choix lune de fiel. Et là, nous répondons dans les 24 heures à toutes vos questions, vos problèmes, aussi, vos fantasmes. Voilà, il y a du vocabulaire. Ah oui, il y a tout le vocabulaire aussi de l'émission. Le vocabulaire gitan, tout le vocabulaire qu'on dit. Ouais. Alors, est-ce que tu te rappelles du vocabulaire gitan, Pascal? J'y arrive pas. Enculé, c'est quoi? Allez, les auditeurs, là, réfléchissez dans votre tête. Enculé, c'est quoi? Pougnave. Pougnave. Voilà. Baiser. C'est... Bouillarde. Bon, la chatte, c'est facile. C'est minge. La mine, la voilà. Minge. La bite. C'est pélo. Le pélo. Pélo. Ah, mais ça rentre, Pascal, bravo. Le cul. Bravo. Le cul. Ah, le cul. Le boule. Le boule. Le boule. Une pipe. L'échave, le pélo. Non, mais oui, non. C'est... Oui, c'est... Non, une pipe, c'est schnekave. Une schnekave. Et payé, Zaza. Payé. Payé. Pessarave. Pessarave. Pourtant, bien souvent, je l'ai fait. Voilà. Mais comme. Sans savoir comment ça se comme monsieur Jou. Voilà. Comme monsieur Jourdain. D'un qui faisait de la prose. 50 000. Sans savoir. La cantée. La cantée. Non, mais j'y arrive pas, tu vois, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, aucun problème. Alors, une le fille. Gitan, ça rentre pas. Une fille et un garçon. Un garçon. Non, alors attends, non. Il y a Racli et Raclo. Ouais. Là, c'est pas méchant. Et il y a Gadjo et Gadji, ça veut dire. Fille et garçon un peu cave. Ah d'accord. Voilà, regardez. Dicave. Dicave. Donc, je sais pas comment payer, mais je sais dire voler. Voler, c'est quoi? Chouravé. Chouravé, parce que chouravé, c'est... Voilà, alors vous avez tous... Parce que ça aussi, je l'ai fait quand même. Vous avez tout... sans savoir comment ça Oui, sans savoir que c'était Prisunique une vilaine de peau chose. A beaucoup souffert. Oh oui. Il y a des endives qui sont faites pour faire chouravé aussi. Ah oui, hein, beaucoup, bien le dire. Beaucoup. Donc ils méritaient ce que... Non, oui. C'était... Mais qui vous l'a dit? Mais qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? C'est moral, non? Non, vous pouvez. On a plein de voleurs qui nous écoutent. Hein. Oui, oh bah, plein. Ils ont beaucoup. Moi, c'était le Prisunique de peau qui n'avait son stock de boucles d'oreilles décroissé rapidement. Par ton auguste présence. Oui, exactement, tous les jours. Voilà. Alors, on fait un gros bisou quand même à toutes les personnes qui travaillent. C'est pas vrai, il faut être honnête dans la vie. Toutes les personnes qui travaillent, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les commissariats, il y a les pompiers, les chauffeurs taxi, les prisons, les étudiants aussi, les parce hôpitaux. Que nous avons beaucoup d'étudiants. Les jeunes qui n'ont pas encore de sexualité et qui comptent sur nous quand même pour les aider à faire leur premier pas dans le bonheur, dans la jouissance, dans l'introduction. Oh, c'est bon. Les étudiants se plaignent beaucoup. Ils m'ont demandé si on pouvait arrêter l'émission pendant la période d'examen parce que ça les trouble beaucoup, les pauvres. Ils n'arrivent plus à travailler. On n'a toujours pas de Chinois qui nous appellent. Alors, on a en revanche un auditeur. Je vais vous raconter une histoire. Oui. C'est une femme qui est à l'hôpital, qui accouche. Et il y a son mari qui l'attend. Et la sage-femme arrive. Et puis elle dit, ça y est, vous avez un beau bébé. Mais c'est marrant, il est de trois couleurs. Et elle appelle son mari et dit, mais merde, il est de trois couleurs. Alors la sage-femme, elle dit, oui, il est moitié noir, non, un tiers noir, un tiers jaune et un tiers blanc. Et le mari, il réfléchit dans sa tête et fait... Elle a dit, mais oui chérie, c'est la partouze qu'on a fait il y a 9 mois. Et elle dit d'un seul coup, mais j'espère qu'il va pas aboyer. Oh. C'est horrible. Est-ce que vous en voulez une autre? Oui. Oh. Oui, ou tout à l'heure. Tout foutu, à l'heure. Pour foutu, foutu pour foutu. Allons-y. C'est une grosse femme qui est assise, qu'on doit subir, qui est assise sur le banc et qui dit à son mari, vas-y, bouffe-moi la chatte. Le mari se met à quatre pattes. Et lui bouffe bien la chatte. Et la femme fait, retire tes lunettes, tu me fais mal. Il enlève ses lunettes, il lui rebouffe la chatte. Elle fait, remets tes lunettes, tu bouffes le banc. Bon.